My Lord, mon Seigneur, this woman says, cette femme dit, could not see anything. Elle peut rien voir. The Lord has opened the eyes. Maintenant les yeux sont ouverts. Now she can see. Et elle peut tout voir. Alléluia. Alléluia. I saw this woman in a dream. J'ai vu cette femme dans un rêve. I saw you in a dream. Je t'ai vu dans un rêve. I was giving you things. Je te donnais des choses. And you are looking, following. Et tu cherchais, tu suivais. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Christo. Christ. Jesus. Jésus. Jesus. Jésus. My daughter. Alléluia. Alléluia. Everybody receive your healing. Tout le monde reçoit ta guérison. The blind eyes have just opened. Les yeux avaient fait que commencer d'ouvrir. Yes. I need to talk. You need to talk. Je dois parler. She says, I need to talk. Elle a dit, je dois parler. She says, elle a dit, I need. Je dois. I need to talk. Je dois parler. Meaning I feel a need. Qui veut dire je sens besoin. I need to talk. I need. J'ai besoin. About 4 days ago. Quatre jours déjà. I had a dream, and my dream said I woke up singing. I was in a place. Je réveillais. Crusade. J'étais dans une croisade. And the song was, find yourself in the place of the Lord. Get to the Lord. Get to the Lord. The place of the Lord, get to the Lord, get to the Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! I am coming. Je viens.